La revue d'internet russe Lemchichi a présenté un article titré « Époque de Kim Jong-un ». Elle a écrit que le dirigeant Kim Jong-un conduit lucidement la Corée et que sous sa direction imminente, la Corée deviendra dans un proche avenir une puissance socialiste.